بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، ثم أما بعد. C'est notre dixième cours autour du monothéisme. Et les monothéistes, frères, en Allah Azza wa Jal, doivent réserver le culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ne doivent faire aucun associé à Allah subhanahu wa ta'ala. Dans le hadith authentique, il est dit: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه مع الله فإن الله يذره وشركه يوم القيامة. ربنا أغنى الشركاء. Donc, فإن الله عز وجل، الله سبحانه وتعالى n'accepte pas quoi que ce soit de l'associateur. الله سبحانه وتعالى est au-dessus de l'associationnisme. Il n'accepte pas. Il veut que le culte lui soit réservé exclusivement. Tout acte d'adoration doit être fait exclusivement par Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne doit pas y avoir un atome d'associationnisme dedans. Hein? Imagine, ça c'est un exemple pour qu'on puisse comprendre. Et on ne fait pas d'exemple par Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Dans une société, deux personnes sont associées quand ils ont un problème. Le riche, il n'y a pas de problème pour lui. Rien, il ne cherche même pas, il polémique pas, etc. Bon, si ça ne marche plus, ça y est, c'est fini. Celui qui est pauvre, il polémique, il argumente parce qu'il essaye, il veut essayer par tous les moyens de récupérer sa part et son dû. Hein? Enfin, on ne fait pas des exemples à Allah subhanahu wa ta'ala pour comprendre. Hein? Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus de tout. N'a pas besoin de notre adoration. Hein? N'a pas besoin de ce royaume, de cet univers dont on ne connaît même pas l'immensité. Allah subhanahu wa ta'ala, il n'en a pas besoin. Hein? Et donc dans nos actes, si nous devons être des monothéistes, on doit réserver le culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. فالله عز وجل لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا لوجهه عز وجل. وكما يرفض الشرك في العقيدة فكذلك يرفض الشرك حتى في العمل الواحد. ولذلك سمي الرياء بالشرك الأصغر أو الشرك الخفي. Donc, Allah سبحانه وتعالى n'accepte des actes que les actes qui sont faits sincèrement pour lui. Et comme l'associationnisme n'est pas accepté dans les croyances, il en est de même dans les actes. C'est-à-dire que les actes doivent être faits exclusivement pour Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que l'ostentation est appelée le petit associationnisme ou l'associationnisme caché. Il est évident que c'est un associationnisme qui ne sort pas de l'islam. Et c'est un petit associationnisme quand même. الشرك الأكبر مخرج من ملة الإسلام ويتعلق بالمعتقد، والشرك الأصغر لا يخرج من ملة الإسلام ويتعلق بالعمل. Donc, le grand associationnisme fait sortir de l'islam et il a rapport avec les croyances. Et le petit associationnisme ne sort pas de l'islam et il a rapport avec les actes. فالإنسان قد يكون موحدا من جهة المعتقد ولكنه يأتي بالشرك الأصغر في الأعمال. خذ مثلا رجل دخل في الصلاة كبر ثم لاحظ أن رجلا بجواره ينظر إليه فأحسن صلاته، حسنها من أجل نظر ذلك الرجل إليه، هنا وقع أشرك في صلاته. و وهذا شرك أصغر، وهذا هو الرياء. والله لا يقبل الصلاة أو العمل الذي فيه رياء، لأن العمل لهذه الصلاة ليست خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل لتر ما فايلي مونوتيست مونوتيست اكسترا au niveau de ses croyants il est monothéiste pur mais des fois il tombe dans le petit associationnisme. On comprend au niveau des actes, par exemple il rentre dans la prière et Allahu Akbar, et tout d'un coup il remarque que telle personne est rentrée en train de le regarder et il commence à embellir sa prière et à allonger ses genuflexions, à allonger sa lecture, ses prosternations, etc., à perfectionner, parce que pour qui? Pour l'autre qui est en train de le regarder. Et donc, dans ces cas-là, il a associé dans sa prière. Il est tombé dans le petit associationnisme. Il est tombé dans l'ostentation. Pourquoi il a agi ainsi? Pour l'autre. Il a embellé pour l'autre, etc. Et cette prière dans laquelle il y a l'ostentation, il n'est pas accepté min Allah, il est rejeté. Et ça, c'est le petit associationnisme. Et tous les actes ainsi, il fait quelque chose, qui est un acte d'adoration, mais il le perfectionne pour les autres. Il y a quelque chose dans son cœur, il est en train de le faire pour que, et ceci est très dangereux, parce que l'acte dans lequel il a ramené l'acte, et s'il y a de l'ostentation dedans, il est foutu. Cet exemple, c'est comme le miel et le vinaigre. Du miel pur, quand du vinaigre tombe dedans, tu peux prendre une grande quantité de miel, il tombe une petite quantité de vinaigre dedans, il est foutu. Ses vertus médicinales sont terminées, c'est fini. La même chose, nos actes avec l'ostentation. La même chose. Dans notre acte, l'acte dans lequel il y a l'association, là, il te le rejette. Il n'est pas accepté. فالرياء يفسد العمل الواحد الذي يقع فيه. أما الشرك الأكبر فهذا أمره أمر خطير فيفسد العبادة من أولها إلى آخرها. فالله عز وجل قال ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. L'ostentation, celle-ci va rendre non valide l'acte dans lequel il est tombé. Si c'est une prière d'Al-Tor, il y a de l'ostentation, il sera non valide. Un acte de charité, etc., dans lequel il y a l'ostentation, va être non valide. Ça, c'est le petit associationnisme. Mais le grand associationnisme, lui, c'est tous les actes, il va les rendre non valides. Non valides. Il dit dans le verset, s'ils associent, tout ce qu'ils auraient fait serait non valide. Tout va tomber à l'eau. Tout tombe à l'eau. فلو حصل المستحيل وهذا مستحيل وهو الشرك من الأنبياء أنفسهم فإن الله يحبط أعمالهم فكيف بغيرهم. Donc frère Allah عز وجل, c'est l'impossible était arrivé, qui est que un prophète tombe dans l'associationnisme. Ce qui était impossible, ce qui est impossible, même, il est dit dans le verset comme quoi, leurs actes seraient non valides. Même si c'est un prophète. Il n'y a aucun prophète qui est tombé dans l'associationnisme. Ça c'est... Mais dans le verset, il est dit pour qu'Allah attire notre attention dans le verset, pour nous montrer que ceci est très important. L'associationnisme, c'est quelque chose de très dangereux. Tout le grand associationnisme. ومن هنا يتبين لنا أن المسألة لا خصوصية فيها ولا مجاملة فيها والله قاصد لهذا الخطاب لئن أشركت والخطاب لمن؟ لسيد الموحدين محمد صلى الله عليه وسلم لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. رسولنا صلى الله عليه وسلم إمام الموحدين ولا يمكن أن يقع منه الشرك أبدا عليه الصلاة والسلام ولكن الله خاطبه لكي يبين لنا أن هذه القضية قضية الشرك الأكبر لا مجاملة فيها حتى لا يأتيك أحد ويقول لك أنا أتبع محمدا عليه الصلاة والسلام وأشرك شيئا ما أنا أتبعه وعندي شيء من الشرك فسيشفع لي محمد عليه الصلاة والسلام وسيغفر الله تعالى لي هذا الشرك. ها؟ لا يا أخي الإسلام، لا يمكن، لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. Donc, frère en Allah, Azzawajal, partant de là, il t'apparaît clair qu'à ce niveau-là, la situation, elle est fermée. Le grand associationnisme, les actes sont non avenants. Et qu'il n'y a pas à prendre en considération celui-ci ou celui-là, etc. Même si ça devait arriver de ceux qui étaient envoyés par Allah subhanahu wa ta'ala pour transmettre le message, ben leur acte serait non valide. C'est l'impossibilité arrivée. Et écoute cette parole qui est adressée à qui? L'imam des unificateurs. L'imam du monothéiste par excellence. Qui est Mohammed alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Alors que c'est impossible qu'il tombe dans l'associationnisme. Hein, Allah subhanahu wa ta'ala s'est adressé de lui exprès. C'est voilà, in ashrakta, si tu es associé, tes actes vont être non valides et tu seras parmi les perdants. Le message est à qui? Mohammed alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Pourtant, c'est impossible que Mohammed alayhi sallallahu alayhi wa sallam ait tombé ou là qu'il commette l'associationnisme. Mais ceci pour te montrer l'importance qu'au niveau de l'associationnisme, il n'y a rien, il n'y a pas d'intermédiaire. Il n'y a pas quelque chose qui va intercéder pour toi. Rien du tout. Comme ça, quand quelqu'un qui a des ambiguïtés dans l'esprit, là, dans la tête, il te dit, moi, je suis Mohammed alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Et je commets certains actes de l'associationnisme, et Mohammed alayhi sallallahu alayhi wa sallam va intercéder pour moi. La ikha l'islam. Tu as de l'associationnisme, Mohammed alayhi sallallahu alayhi wa sallam ne te reconnaît même pas. Il ne va même pas intercéder pour toi. Coupe ça court, très court. Hein? D'où l'importance de ce message et de cette parole d'Allah Azza wa Jal qui est adressée à qui? À l'imam des monothéistes, par excellence. La inna shrakta. Si tu es associé, tes actes ne serait pas valide, tu seras parmi les perdants. Donc il faut couper court à tout ça. J'ai de l'associationnisme, et Mohammed, parce que je le suis, va intercéder pour moi. Si tu le suis réellement, tu n'auras pas de l'associationnisme. Tu ne seras pas dans le grand associationnisme si tu le suis réellement. J'ahada al-shara, wa hada al-qanun, wa hada al-asr, ladhi la yastitni minhu ahad. أن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فالشرك لا يغفره الله سبحانه وتعالى إذا مات الإنسان على الشرك فإن الله لا يغفر له وأما إذا مات الإنسان على أي معصية مهما عظمت فإنها قابلة للمغفرة إن شاء الله عذب هذا الإنسان تكون هذا عدل من الله ويكون هذا وإن شاء غفر له ويكون هذا فضل من الله سبحانه وتعالى على ذلكم الإنسان. Donc, cette loi, cette législation qui est venue من الله عز وجل, le fait que il y a aucune exception qui est faite. Quelqu'un qui tombe dans l'association, dans le grand association, الله سبحانه وتعالى lui pardonne pas. الله سبحانه وتعالى pardonne tout, sauf l'associationnisme, le grand association. Donc le grand associationnisme, Allah subhanahu wa ta'ala, il ne le pardonne pas. Si l'être humain meurt sur le grand associationnisme, Allah, il ne lui pardonne pas. La parole d'Allah subhanahu wa ta'ala est claire. Le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala, il est clair là-dessus. Et si une personne meurt sur une désobéissance quelconque, ou sur des péchés capitaux, alors qu'il est monothéiste, malgré l'importance de ses péchés, ben, il est sous la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Soit Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonne, et ça sera clémence min Allah, soit Allah subhanahu wa ta'ala le châtie, et ça sera justice min Allah subhanahu wa ta'ala. Dans ces cas-là, il est sous le vouloir, تحت المشيئة, sous le vouloir d'Allah subhanahu wa ta'ala. Fa min huna ta'lam kadhalik, safahata a imam jama'at ikhwan muflisun al-qaradawi, indama mat al-baba, mada, da'a lahu, yaghfiru Allah lah, kana rajulan mukhlisan, amila wa amil, kayf? كيف يكون الإخلاص مع الشرك؟ كيف؟ أين الإخلاص؟ وهو شرك محض تتليت لله تقول الرجل كان مخلص كان مخلصا لدينه أي دين هذا؟ دوسي وقالت cette parole insensée qui est sortie de la bouche de القرضاوي كنت il y a eu la mort de le pape Et après le Jumu'ah, il lui fait des du'as. Que Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonne, il était sincère dans sa religion. Quelle sincérité, quelle religion? La Trinité? L'associationnisme? Quelle sincérité? Là, tu trouves que... Hein, même la grandeur qu'on peut avoir, des fois, on tombe dans l'erreur. Bon, et ceci, c'est une énorme erreur. C'est une énorme erreur. Hein? Parce que l'associationnisme, Allah subhanahu wa ta'ala ne le pardonne pas. Mais ce genre de voix, qui est la voix d'Ikhwan, c'est une voix qu'on cherche la politique et les sièges. Et donc, on fait n'importe quoi dans ces cas-là, au détriment de la religion. Et au détriment de l'alliance et du désaveu qui sont l'une des grandes règles dans les croyances des musulmans. Donc on fait n'importe quoi. Parce qu'on cherche un poste. Le but, c'est un poste. Et donc on est des démagogues. Des démagogues. Et on se fait avoir. Rappelez-vous. Comment il a écrasé Sarkozy et Tariq Ramadan? Et comment il lui a dit tu es un démagogue? Parce que le langage est... Mais par exemple, un homme de science qui est digne des noms, il est sur une seule voie, il ne peut pas changer. Il prend le livre d'Allah, l'authentique de la Sunna, avec la compréhension du puissant d'Allah Alim, en privé, en public, dans un cercle restreint, avec les journalistes, avec qui que ce soit, son langage est le même. Il ne pourra jamais se faire avoir parce qu'il n'a rien à cacher. Mais quand on est démagogue, et quand on cherche quelque chose, bah on a des masques. À chaque situation, on a un masque et un langage à tenir. Hein? Regardez combien, parmi les orientalistes de France, combien ils ont coincé les frères musulmans. Et vous, quand vous êtes devant nos frères les chrétiens, mais quand vous êtes dans les cités, les mécréants. À tel point que certains rechercheurs, et c'est une femme, il dit une voix sur un plateau de télé, moi je préfère avoir en face de moi un homme salafi, au moins c'est clair et c'est net, que d'avoir un ikhwan devant moi, parce que c'est... Hein? C'est... Ils esquivent. Hein? Enfin, c'est Allah, subhanahu wa ta'ala. Et la religion d'Allah, subhanahu wa ta'ala, ne veut pas de nous qu'on prenne le couleur des lieux. On n'est pas des caméléons. La religion, il est unique. Aujourd'hui, je vous ai parachevé votre religion et je vous ai comblé de mes bienfaits et je vous agrée l'islam comme religion. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Radiya man radi wa kariha man kariha. Qu'on déplaise à ceux qui n'aiment pas cette religion parachevée, tant pis pour eux. Et ceux qui l'agréent, alhamdulillah. Mais la religion ne change pas selon les lieux et selon les temps et selon les convenances de certains. La yakha l'islam. وربنا يغفر ما دون ذلك لمن يشاء هذه مشيئته ولكن لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى فمن مات على الشرك لا يغفر له لا يغفر الله له ومن مات على أي ذنب دون الشرك وإن عظم فإن أمره إلى الله وهو تحت المشيئة et donc en ce qui concerne le grand associationnisme الله سبحانه وتعالى ne pardonne à qui que ce soit personne qui que ce soit. En dehors de l'associationnisme, Allah subhanahu wa ta'ala pardonne à qui il veut. C'est sur le vouloir d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il veut pardonner, il pardonne, il ne veut pas, il le châtie. Hein? Celui qui est mort sur un associationnisme, un grand associationnisme, il n'y a pas d'excuse, il n'y a pas de pardon. Celui qui meurt sur d'autres péchés, à part, qui est le monothéisme, à part l'associationnisme, c'est la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. ولذلك قال العلماء رحمهم الله وحق لهم ذلك الشرك أعظم من الزنا وأعظم من السرقة وأعظم من القتل وأعظم من الربا وأعظم من شرب الخمر أعظم من كل هذا c'est que les hommes de science ont dit, ils ont raison dans ce qu'ils ont dit, que le grand associationnisme est pire et plus dangereux pour la personne que le fait de commettre l'adultère ou de voler ou de mentir, ou de la tuer, et de, ou de boire de l'alcool. Ça, c'est des grands péchés. Mais malgré tout ça, au niveau de l'associationnisme, c'est minime. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'éloigner de tout ça. Là, c'est interdit. Mais juste pour que tu comprennes que celui qui est dans l'associationnisme est beaucoup, est dans une situation beaucoup plus grave que celui qui est monothéiste et qui... Des fois, ça lui arrive de commettre l'adultère ou l'âne. Ce n'est pas un encouragement à l'adultère, ni au vol, ni au fait de boire, loin de là. Mais c'est seulement pour que tu fasses la différence. L'énormité de l'associationnisme. L'associationnisme, c'est la plus grande des injustices. Il n'y a pas d'injustice en dehors de l'associationnisme. ولذلك لما قال المشركون معيرين لصحابة رسول الله أنتم قاتلتمون في الشهر الحرام وفي البلد الحرام قال عز وجل يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه كأن المشركين قالوا لهم أنتم أهل التوحيد هل التوحيد يأمركم بالقتال في الشهر الحرام وفي البلد الحرام et c'est pour ça quand les associateurs se sont adressés quelque part dénigrant les compagnons du prophète alayhi salam, leur disant en ce qui concerne le combat qui a eu lieu contre les compagnons et les Qurayshites pendant le mois sacré. Et Huma, ils sont en train de leur dire, vous avez vu ce que vous avez fait. Vous, les monothéistes, vous voyez, vous nous avez combattés pendant le mois sacré. Seulement, cet associateur ne sait pas que le plus grand des crimes, et la plus grande des injustices, ce n'est pas de combattre pendant le mois sacré, ceci est interdit. Mais le plus grand des crimes, et la plus grande des injustices, c'est l'associationnisme. C'est l'associationnisme. وهذا من المشركين قاتلتمونا في الشهر الحرام إنصاف طيب ولكن ماذا قال رب العزة بعدها قل قتال فيه كبير أي هذا ذنب عظيم عند الله ولا شك لكن لا تنسوا أيها المشركون أنكم وقعتم فيما هو أعظم منه وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله quelque part cette parole des associateurs quelque part il y avait une certaine équité dedans mais quand ils ont dit aux compagnons de Muhammad alayhi salatu salam il dit dans le verset il te pose question sur le fait sur le combat devant le mois sacré c'est quelque part c'est cette parole est juste et cette interrogation est juste puisque Allah subhanahu wa ta'ala interdit le fait de combattre pendant les mois sacrés qui sont 4 mois dans l'année et la réplique dans le verset dit certes combattre durant le mois sacré est une norme c'est-à-dire que c'est un grand péché c'est une norme ça, il n'y a aucun doute. Mais le verset les interpelle comme s'il leur dit, mais vous les associateurs, n'oubliez pas que vous êtes tombés dans quelque chose beaucoup plus grave et beaucoup plus importante et beaucoup plus énorme. Et le verset il dit, vous faites détourner de la voie d'Allah et vous mécroyez en Allah et vous faites détourner les gens de la mosquée sacrée et vous sortez, vous avez expulsé les gens de la Mecque, de leur maison, et ceci est énorme chez Allah Azza wa Jal. Qu'est-ce qui est énorme? La mécréance en Allah. Et le fait de détourner les gens de la voie d'Allah Azza wa Jal, de les détourner du monothéisme. Donc, par rapport à l'acte qu'ils ont fait les compagnons, l'acte qu'ils ont fait les associateurs est beaucoup plus énorme. Wa in ansafa ha'ulai al-mushrikoun. ولكن جاء الإنصاف في كلام الله عز وجل أن القتال في الشهر الحرام هذا أمره أمر عظيم لكن الإنصاف يقتضي أن هذا المشرك يجب أن يترك ما هو عليه من الشرك لأن هذا أعظم من القتل في الشهر الحرام وفي البلد الحرام إمام سي ينسيخ تنكيتي dans la parole d'Allah Azzawajal pour les associateurs où il leur a dit certes le combat, le fait de tuer durant le mois sacré est énorme mais cet associateur doit comprendre que il doit comprendre que la situation dans laquelle il est, lui, est beaucoup plus énorme que le fait de tuer pendant le mois sacré et dans le pays sacré il doit le comprendre il doit le prendre avec dans son esprit que malgré tout, ولذلك العلماء الربانيون رحمهم الله والموحدون ما كانوا يتعجبون مما كان يفعله حزب البعث العراقي، ولا ما يفعله أي ملحد وأي مشرك. فعند أهل العلم حزب البعث حزب كافر منذ أن عرفه العلماء، فالعلماء لم يحتاجوا أن يفعل البعثيون جرائمهم حتى يقولون بعضناهم، لأن الحب يكون في الله والبغض كذلك يرحمك الله. ولكن اليوم نحب وغدا نبغض، والشخص واحد وعقيدته واحدة، عندما يشتمنا نبغضه، وعندما يأتينا ويزورنا نحبه. هذا ليس حبا لله، وليس هذا من دين الله في شيء. فلعلكم سمعتم كيف كان الإخوان المفلسون والحركيون في مشارق الأرض ومغاربها في أيام صدام حسين رحمه الله، عندما هاجم الكويت وأراد هجوم السعودية كانوا معه وهو يهاجم بلاد المسلمة. وعندما أراد أن يهاجم بلاد يسب فيها الصحابة وتشتم فيها أم المؤمنين عائشة ويكفر فيها الصحابة كانوا ضده، تفهمون شيئا؟ عندما هاجم بلاد التوحيد وهاجم الكويت كانوا معه وناصروه، وعندما قام بالهجوم على بلاد إيران التي يسب فيها الصحابة ويكفر فيها الصحابة وتشتم فيها أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها كانوا ضده. هل من عقول تباع فتشترى لهؤلاء؟ كيف؟ ما هذا الميزان عندكم يا عباد الله؟ C'est pour ça que les hommes de science, frère Allah Azza wa Jal, les hommes de science dignes du nom, les savants dignes du nom, S-A-V-A-N-T, ils n'ont pas les savonnettes. Les savonnettes, ça te fait glisser quand tu rentres, si tu as le malheur de passer dessus dans la salle de bain, et tu risques de te casser les reins. Et ici, ce n'est pas les reins qui vont te faire casser, il va te faire perdre ton bas monde et ton au-delà si tu le suis. Hein? Sortir de la voie qu'Allah subhanahu wa ta'ala a agréé pour toi pour arriver à son agrément. Et ces savants dignes du nom et dignes de la voix de leur plusieurs d'Allah alayhim, ces monothéistes par excellence, ne s'étonnez pas de la situation du parti al-Ba'th qui existait en Irak avant. Ni ce que fait aucun athée, parce qu'ils savent le parti al-Ba'th est basé sur la mécréance, c'est un parti de mécréance. Le athée, il est dans la mécréance. Ni ce que fait aucun associateur. C'est un associateur à la base. Donc ne t'étonne pas. Après l'associationnisme et la mécréance, il n'y a plus de limite. La ligne rouge a été dépassée. C'est pour ça que des fois tu entends des frères se plaindre de ce qu'ils ont subi de la part d'un mécréant, etc. Et arrête, t'étonne pas. T'étonne pas. La limite qui ne devait pas être franchie, elle a été franchie avec la mécréance. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse après? Il n'y a plus de limite à rien. C'est fini. Il n'a même pas. Il a dépassé la limite vis-à-vis d'Allah qui l'a créé. Qu'est-ce que tu es, toi, pour lui? Chez les gens de science, Hizb al-Ba'th est un parti de mécréants. Comme ils l'ont connu les hommes de science avant que les Ba'thi ne fassent leurs crimes qu'ils ont fait contre eux, les Irakiens, etc. Parce que pour eux, l'amour doit être pour Allah, et l'alliance pour Allah. Ils disent à vous, le fait de se séparer, on se sépare pour Allah, on déteste pour Allah, et on aime pour Allah, azzawajal. On salue pour Allah, et on dit à vous pour Allah. Azzawajal. Mais certains, comme ceux qui transgressent cette règle de l'alliance et des aveux, comme les Ikhwan Muflisoun et autres, tout parti qui se dit, les partis ado, de l'islam politique, non, tu peux mettre les Khouan Muslimoun dedans. La Adala ou Tnimiya au Maroc, les Yassinites du Maroc, les Hizb Tahrir en Syrie, toutes les formes d'il les frères musulmans, que ce soit en Algérie ou ailleurs. Parce que la racine est la même. Mais les noms se sont donnés par rapport au pays. Et par rapport à... ils ont pris une certaine couleur locale. Et ils ont pris un nom qui correspond au pays. Et pour soi-disant montrer aux populations autochtones et aux, à ceux qui les entourent par nous, comme quoi ils ne dépendent pas de, du principe de Hassan ibn Naqs. Mais en réalité, c'est une carcasse. Il est identique. Les principes fondamentaux, ils ont, il y a eu des modifications, mais sinon, c'est la réalité de l'Ikhwan, ils la portent en eux. Et tout cela, hein, quand Saddam, rahimahullah, hein, a attaqué l'Arabie Saoudite, le pays du monothéisme par excellence sur Terre, et le Koweït, ben, ils étaient contre lui. Ils étaient pour lui. Ils l'ont applaudi. Ils étaient avec lui. Et quand il a attaqué l'Iran, ils étaient contre lui. Vous comprenez quelque chose? L'Iran, on insulte Abu Bakr, on insulte Omar, on insulte Ali, on insulte Muawiya, on insulte les compagnons de Mohammed alayhi salam, en dehors de Ali, parce que Ali c'est leur grand imam, radiallahu anhu arda. Hein? Le pays, on insulte, on dit n'importe quoi et on dénigre. Aïcha radiallahu ta'ala, là au moins ils se sont mis en colère contre cette dame parce qu'il l'a attaqué. Et quand il a attaqué le pays de du monothéisme, ils étaient avec lui. Comprenez quelque chose. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ah oui, on ne sait pas s'ils ont des raisons. Mais malheureusement, il n'y a pas de marché de raisons pour le racheter. Les raisons, c'est un bienfait min Allah Azza wa Jal. Il comble qui il veut avec. حزب البعث هذا حزب كان معلوم عند العلماء أنه حزب كافر أسسه ميشيل عفلق تعالوا نو إلي نصراني مثلث ومبادئ حزب البعث مبادئ إلحادية فالعلماء لم ينتظروا حتى يروا سفك الدماء من البعثيين لكي يقولوا هؤلاء الجبابرة هؤلاء ظلمة لأنهم فعلوا أكثر من ذلك لماذا؟ لأنهم فعلوا أكثر من ذلك وهو الكفر بالله عز وجل فهم ظلمة أصلا وإن الله عز وجل partie ديال البعث c'est un parti à la base qui a été fondé par Michel Afalqar et c'est un chrétien c'est un c'est quelqu'un qui fait la trinité donc il est fondement ديال البعث qui gouvernait avant l'Irak. C'est des fondements et des principes de l'athisme et de la mécréance. Et les hommes de science n'ont pas attendu que les Ba'athis fassent couler du sang pour décréter qu'ils sont mécréants ou quoi que ce soit. Ils le savaient auparavant. Hein? Ils savaient auparavant comme quoi ils étaient injustes parce qu'ils sont tombés déjà dans la grande injustice qui est quoi? Qui est l'associationnisme. واجب علينا أن نفهم وأن نضع الأمور في مكانها. الشرك أشد عند الله من القتل. الشرك أشد الشرك الأكبر أشد عند الله من القتل. أشد عند الله من انتهاك الأعراض. الشرك أشد عند الله من الربا والسرقة. الشرك أشد من هذا كله. وطبعا نحن لا نتكلم عن صدام وإنما عن حزب البعث. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون ختم لصدام بحسن الخاتمة. Donc, Allah Azza wa Jal, notre devoir, c'est de comprendre les situations comme il se doit, et d'une compréhension saine, et de mettre les choses à leur place. Le grand associationnisme, c'est pire que le fait de tuer. Le grand associationnisme, inshallah, subhanahu wa ta'ala, c'est pire que de violer, ou de voler, ou de tomber dans le riba. Alors que ça, c'est énorme, ces actes-là. Mais l'associationnisme est beaucoup plus fort que tout ça. Évident, quand on a parlé du parti le Ba'ath, on ne parle pas de Saddam. On espère que Allah subhanahu wa ta'ala, que Saddam Hussein a bien terminé sa vie. Parce qu'au moment de sa mort, il a attesté qu'il n'est digne d'être adoré qu'Allah et que Mohammed est le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala. On espère que lui, pour que lui, qu'il ait eu une bonne fin et la meilleure des fins. Hein? Nous, on parle d'une réalité d'un parti qui était un parti de mécréance. Voilà, de ces gens qui s'allient avec n'importe qui. Et aujourd'hui on s'allie, demain on désavoue. Hein? On s'allie avec là où il y a nos intérêts. Et on désavoue au moment où il y a nos intérêts. Si on est fâché avec, on va le désavouer. Et si on est bien avec, ben on va s'allier avec. Et ça, ça n'existe pas dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. On s'allie pour Allah et on désavoue pour Allah et pas pour les intérêts. لذلكم لا بد من أن نفهم ونعقل هذا. قال تعالى على لسان لقمان لابنه يا بني إن الشرك لظلم عظيم. ولذلك لما أنزل الله سبحانه وتعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قال عندها الصحابة أينا لم يظلم نفسه؟ من منا لم يظلم؟ إذن لسنا من أهل هذه البشرى، لسنا من أهل هذا الوعد، لسنا من أهل الأمن، ولسنا من المهتدين. لأن الله قال الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أي لم يخلطوا إيمانهم بظلم. فالأمر لا يخلو أن يظلم أحدنا هرة أو كلبا فضلا عن يكون ظلم آدميا، فهذا وارد فضلا عن أن يكون ظلم نفسه. الله عز وجل il faut bien maîtriser la situation et bien la comprendre. Écoutez cette parole d'Allah subhanahu wa ta'ala quand il s'est adressé à Luqman, quand Luqman s'est adressé à son fils, qu'est-ce qu'il lui a dit? Oh fiston, l'associationnisme est la plus énorme des injustices. Ça devient clair chez nous. L'associationnisme, c'est la plus énorme des injustices. C'est pour ça, quand le verset est descendu, ceux qui ont cru et qui n'ont pas déguisé, qui n'ont pas mélangé leur foi avec une injustice, ceux-là auront la sécurité et seront guidés. Quand ce verset est descendu, c'est devenu un casse-tête chinois pour les compagnons de Mohammed. Pourtant, ce sont les gens de l'arabe. Le Coran est descendu avec leur langue. Cela te prouve quoi? Ça ne suffit pas d'avoir que l'arabe. Ça ne suffit pas. Il te faut autre chose que l'arabe. La compréhension de tes plusieurs doit Allah aller. Il te faut beaucoup d'autres choses. Pour ça, tous les interprétateurs du Coran qui se sont contentés de l'arabe, ils ont ramené des dégâts. Prends plus proche de nous. La tête d'El Ikhwan et d'El Tkfirin qui essaye de Qutb. Regarde, Dilal. Dans son Dilal, il a rendu l'interprétation du Coran qu'il a appelé Dilal al-Qur'an, il a rendu cette communauté entière mécréante et qu'il n'y a plus de musulmans sur terre. Même le pauvre Moudden qui monte faire la danse sur son minaret, ben il est mécréant aussi pour Sayyid Qutb dans son intérêt. Pourquoi? Parce que l'homme était un homme littéraire et faisait pas, c'était pas un spécialiste de la législation. Donc il a ramené des catastrophes dans ce qu'il a écrit. Là, tu prouves quoi? Les compagnons devant le prophète, alayhi salam, ils se sont posé la question. Quand le verset est descendu, hein, ceux qui ont cru et qui n'ont pas mélangé leur foi avec une injustice, ceux-là auront la sécurité et seront guidés. Ben, eux, les gens de la langue, ça a été difficile pour eux. Hein? Parce que l'être humain, il est évident qu'il va commettre de l'injustice. Il va commettre de l'injustice sur lui-même. Tu as commis une injustice peut-être sur un chat, sur un chien, hein, sur autrui, de l'injustice pour ta femme, sur ta femme, sur tes enfants et autres. Hein? Et regardez les compagnons, ça a été un casse-tête chinois ce verset. Man minna yubri'u nafsah. من هذا كله من الظلم ألا يكون ظلم نفسه أو ظلم أهله أو ظلم هرة أو كلبا أو كذا كي parmi nous ou maintenant s'il est santé et dire qu'il n'a pas commis d'erreur sur lui-même, d'injustice sur lui-même, ou là sur un chat, ou là vis-à-vis de sa femme, vis-à-vis de ses enfants, etc. الصحابة رضوان الله عليهم قالوا يا رسول الله وأينا لم يظلم نفسه. فهموا على أن الظلم هنا على إطلاقه يدخل فيه كل ما يصدق عليه أنه ظلم. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أما سمعتم قول الرجل الصالح لابنه يا بني إن الشرك لظلم عظيم. فالظلم في هذه الآية هو الشرك بالله. وأعظم الظلم الشرك. وطبعا الظلم مراتب، أكبرها وأخطرها الشرك بالله عز وجل. Donc les compagnons de Mohammed, ils ont posé, ils ont dit, Ya Rasulallah, Qui parmi nous n'a pas commis d'injustice sur lui-même déjà? Ils ont compris du terme injustice qu'il est dans le sens large du terme. Et que dans ce terme-là, injustice rend toute forme d'injustice. Et le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam les a orientés, les a ramenés à la réalité et ce qu'il faut comprendre. Et il leur a dit, alayhi sallatu salam, n'avez-vous pas entendu la parole de l'homme pieux quand il a dit à son fils, ô fiston, l'associationnisme est la plus énorme des injustices. Donc ici dans ce verset, par l'interprétation de Mohammed alayhi sallatu salam, l'injustice c'est l'associationnisme. C'est le grand associationnisme. Et le plus énorme des injustices, la plus énorme des injustices, c'est l'associationnisme. Et il est évident aussi, c'est naturel, que l'injustice a des degrés. Mais le plus haut degré de l'injustice, c'est l'associationnisme. Et le grand associationnisme. Idem. معنى الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك أولئك لهم الأمن أين؟ في الدنيا وفي الآخرة لهم الأمن في الدنيا وفي الآخرة فالموحد إذا أتى بالتوحيد فقد ضمن الله له الأمن والأمان والسلامة في الدنيا والآخرة. Donc cela veut dire que la signification du verset c'est ceux qui ont cru. Ils n'ont pas mélangé leur foi avec une injustice, c'est-à-dire ils ne sont pas tombés dans l'associationnisme. Ceux-là, ils auront quoi? Ils auront la sécurité dans ce bas monde et dans le-delà. Hein? Cela veut dire que celui qui a ramené le monothéisme, il a la garantie, minallah azza wa jal, d'avoir la sécurité et la quiétude ici dans ce bas monde et aussi dans le-delà. D'où l'importance du monothéisme. Et d'où l'importance de bien connaître le monothéisme. Et de bien l'apprendre. Et de bien aussi connaître les formes de l'associationnisme pour ne pas y tomber. Hein? عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه ومن لم يعرف الخير من الشر يقع فيه. Partant de cette belle parole de l'un de nos plus heureux d'Allah qui dit « J'ai connu le mal ». Non pas pour connaître le mal, mais pour ne pas y tomber. Car celui qui ne sait pas faire la différence entre le mal et le bien, il risque de tomber dans le mal. وَكَمَا قَالَ نَبِيُّنَا عَلَيْهِ الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ حَقُّ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ أَنْ يَعْبُدُوهُ وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَحَقُّ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ إِنْهُمْ فَعَلُوا ذَلِكَ أَلَّا يُعَذِّبَهُمْ وحتى إن وقع على الموحدين عذاب في جهنم فليس هو العذاب الأكبر لأن الله قال إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. العذاب الأكبر يعني الخلود في جهنم. أما المسلم الموحد وإن مات على ذنب وعاقبه الله بذنبه فليس ذلك هو العذاب الأكبر ليس هو الخلود في النار. لكم إلى دين النبي عليه الصلاة والسلام. Le droit d'Allah, hein, duquel doivent s'acquitter les serviteurs, c'est qu'ils l'adorent et qu'ils ne lui fassent pas d'associés. Et qu'est-ce qu'ils ont auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala? Ben, s'ils agissent ainsi, Allah subhanahu wa ta'ala leur a réservé un droit. Hein? Leur a réservé un droit, c'est que le fait, s'ils réservent le culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est qu'ils ne les châtient pas. Et s'ils ne les châtient pas, c'est qu'ils rentrent au paradis. Et qu'ils baignent dans les délices que Allah subhanahu wa ta'ala leur a réservés. Et même si le monothéiste, le jour de la résurrection, Allah subhanahu wa ta'ala a décrété qu'il passe, qu'il soit châtié au feu de l'enfer, un laps de temps pour les péchés qu'il a fait, mais ce ne sera pas le grand châtiment. C'est-à-dire l'éternité dans le châtiment. Il sera châtié selon ce qu'il aura mérité. Hein? Et après, il va en sortir. Mais le grand châtiment, ça c'est l'éternité dans le feu de l'enfer. Et celui-ci, il est pour les mécréants. Illa man tawalla wa kafar fa yu'adhibuhu Allah al-'adab al-akbar. Sauf ceux qui se sont refusés, ils ont refusé le monothéisme. ils ont mécru cela, ils auront le grand châtiment. C'est-à-dire, le grand châtiment, c'est l'éternité dans le châtiment. ويقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح أما أهل النار الذين هم أهلها فلا يموتون ولا يحيون فيها يعني لا هم ميتون فيستريحون ولا حياة فينعمون يعني لا عائش ولا ميت عذاب مستمر donc il est rapporté dans un hadith authentique que les gens de l'enfer Rasoul Sallallahu Alaihi Wasallam dit les gens de l'enfer qui sont les gens de l'enfer ils ne vont pas y mourir ni vivre. C'est-à-dire, bah, ils ne vont pas mourir, dans ces cas-là, ils vont tout le temps souffrir avec le châtiment, et ils ne vivent pas parce qu'ils n'ont pas de délice, ils n'ont pas de bienfait dans cet enfer. Donc, ni vivant ni mort. Le châtiment éternel, ça pour qui? Pour les grands associateurs et les mécréants. La yuqda alayhim fayamutun, wa la yukhaffafu alayhim min adabiha. Ils ne vont pas. Hein, ça, rien ne va être allégé pour eux. Et ils ne seront pas morts. Et le châtiment ne sera pas allégé pour eux. Donc ils auront le châtiment éternel. Ça pour ceux qui sont dans la grande mécréance. La yamutu fiha wa la yahya. Il n'y meurt pas et il ne sera pas vivant. Il est entre les deux. C'est-à-dire le châtiment. Le châtiment, le châtiment. Il n'y a pas de vie, il n'y a pas de délice. Quel délice il peut avoir avec le châtiment? Quelle vie il peut avoir avec le châtiment? قال أما أهل النار الذين هم أهلها هذا يدل على ماذا؟ أن النار لها أهل أصليون الذين هم كل من مات على الكفر أو الشرك الأكبر فهؤلاء منسوبون إليها لا يفارقونها أبدا. Il dit dans le hadith, quant aux gens du feu, qui sont les gens du feu, ça veut dire, cela te prouve comme quoi il y a des gens qui sont pour le feu. À l'origine, ils sont pour le feu. Et c'est qui ces gens-là? C'est ceux qui meurent sur la mécréance, sur le grand associationnisme. Ceux-là, ce sont les gens du feu, ils sont attribués au feu. Ils ne vont pas le quitter, ils vont y rester éternellement. أما الموحد فإنه تحت مشيئة الله عز وجل ما دام أنه مات على التوحيد وإن كانت له ذنوب فإن شاء الله عذبه وإن عذب فليس العذاب الأكبر الذي قال فيه عز وجل إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر ويتجنب الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيى كنت مونوثيست ومونوثيست lui reste sur la volonté d'Allah, sur le vouloir d'Allah. Si Allah il veut le châtier, ce sera justice de fait. Et même s'il est châtié, ben ce ne sera pas le grand châtiment, l'éternité du feu. Parce qu'il est dit dans le verset, sauf ceux qui n'ont pas répondu à l'appel des prophètes et qui ont mécru, ceux-là, Allah va les châtier, le grand châtiment, c'est-à-dire le châtiment éternel. Et il sera évité au malheureux qui va aller au feu de l'enfer. Il sera évité quoi? Le paradis et l'agrément d'Allah. Il sera évité le paradis à ce malheureux. Et il ira au feu de l'enfer, au grand feu de l'enfer, dans lequel il sera ni mort ni vivant. C'est-à-dire éternellement dans le châtiment. ولهذا قسم بعض أهل العلم من أهل السنة والجماعة النار إلى نارين كبرى وصغرى. النار الكبرى للكافرين والمشركين والنار الصغرى نار الموحدين من المسلمين فبعضهم وصل إلى هذه التقسيمة وهي أن النار الكبرى نار الكافرين لا تفنى والنار الصغرى التي يعذب فيها الموحدون تفنى جمعا بين أقوال العلماء في هذه المسألة. C'est pour ça, frère Allah Azza wa Jal, les gens de la Sunna et ceux qui sont certains nombre de sciences parmi les gens de la Sunna et ceux qui sont unanimes sur la Sunna ont divisé le feu de l'enfer en deux, le grand feu et le petit feu. Le grand feu, il est pour les mécréants et les associateurs, il est éternel. Il ne se termine jamais, il ne tarit jamais. Et le petit feu, c'est le feu dans lequel vont être châtiés les monothéistes parmi les musulmans. Certains nombres de sciences sont arrivés à cette division. Hein, on dit qu'il y a le grand feu, qui va rester éternellement et qui aura le petit feu qui lui va se terminer. Le petit feu dans lequel vont être châtiés les monothéistes parmi les musulmans, celui-là va se terminer. Pourquoi ils sont allés à ça? Pour réunir les textes, pour mettre en application tous les textes des hommes de science qui semblent avoir une contradiction entre eux. Mais la contradiction est tout simplement dans l'esprit de celui qui n'a pas pris la compréhension du Puzayr d'Allah alayhi. Et la contradiction et l'ambiguïté est dans l'esprit de celui qui n'a pas le biaba de la science et qui s'aventure à des sujets qui sont plus énormes que lui. Et donc, quand on veut cueillir le fruit avant d'avoir planté l'arbre, qui sera en récolte dans ce cas-là? Du vent. Du vent. فمن العلماء من قال أن النار تفنى ومنهم من قال النار لا تفنى وفي النهاية وصل بعض المحققين من أهل السنة إلى الجمع بين أقوال الفريقين أن النار يفنى منها جزء وهي النار الصغرى التي عذب فيها الموحدون فإذا انتهى عذاب الموحدين ما عاد لها فائدة فتنتهي لأنه وجدت لهؤلاء الموحدون وهؤلاء قد خرجوا منها ولم يبق فيها أحد منهم فما الفائدة من بقائها. Donc ils disent, certains hommes de science a dit que le feu va se terminer. Et certains ont dit le feu ne va pas se terminer. Et à la fin, les hommes de science authentificateurs parmi les gens de la sunna et ceux qui sont unanimes sur la sunna, ont arrivé à réunir entre les textes et entre les paroles des deux parties. Est-ce que le feu qui va se terminer, va s'arrêter, c'est le petit feu qui a été créé pour le châtiment des monothéistes qui ont commis des péchés. Celui-là, une fois qu'il n'y aura plus de monothéistes, que tous les monothéistes ont quitté le feu, pour aller retrouver leur place dans le paradis, ce feu-là n'a plus lieu à exister. C'est le petit feu. Et le grand feu, qui est le châtiment éternel des associateurs, celui-là, il restera éternel. Celui-là, il restera éternel. قالوا إن تبت أدلة على فناء شيء من النار على قول الله عز وجل إلا ما شاء ربك فيكون الفناء لهذه النار الصغرى فقط أما النار الكبرى فإنها باقية أبد الآبدين لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. Ils disent, c'est les épreuves ont été confirmées. Comme quoi, il y aura la fin du feu, où là une partie du feu va être terminée, n'aura plus à avoir à exister. Partant de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui dit, sauf ce que veut ton souverain. Et donc ils disent, donc la fin du feu, ça va être pour le petit feu. Pour le petit feu dans lequel, qui a été créé pour les monothéistes. Et une fois que les monothéistes, le dernier des monothéistes est sorti de ce feu, allait retrouver sa place au paradis, donc ce feu-là, ils disent, n'a plus lieu à exister. Quant au grand feu, dans lequel il va y avoir le grand châtiment, ce feu-là, il est l'éternité, pour l'éternité. Ce feu-là, il est pour les mécréants et pour les associateurs. Et ça sera pour l'éternité. Parce qu'il est dit dans le verset que rien n'y fera pour eux. Et ils ne seront pas morts. Et le châtiment ne sera pas léger pour eux. Donc, ils vont être dans le châtiment éternel. وَأَمَّا عَذَابُ الْمُوَحِّدِينَ إِنْ عُدِّبُوا فَهُوَ الْعَذَابُ الْأَصْغَرُ. إذن الموحدون إذا دخلوا النار وعذبوا فإنهم لا يدخلون العذاب الأكبر بل يعذبون بقدر ذنوبهم. Donc quant aux monothéistes, quand ils subiront le châtiment, s'ils devaient subir le châtiment, ça sera le petit châtiment. C'est-à-dire bon, le petit feu, mais non pas le grand feu. Et quand les monothéistes rentreront au paradis, en enfer, pour être châtiés, pas pour les péchés qu'ils ont commis, ils ne vont pas aller là où il y a le grand châtiment, l'énorme châtiment qui est réservé aux associateurs. Mais leur châtiment va être par rapport à leur péché. Il va être en conséquence par rapport au péché qu'ils ont fait. وَالْحَدِيثُ الَّذِي مَرَّ لَهُ تَتِمَّةٌ بَعْدَ أَنْ قَالَ الرَّسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَّا أَهْلُ النَّارِ فَلَا يَمُوتُونَ فِيهَا وَلَا يَحْيَوْنَ قَالَ وَلَكِنْ قَوْمٌ أَخَذَتْهُمُ النَّارُ بِذُنُوبِهِمْ فَأَمَاتَتْهُمْ إِمَاتَةً فالموحد إذا دخل النار يعذب حتى يموت حتى يصير فحما هذا عذاب الموحد فكيف بالمشرك الكافر ce hadith qui est passé avec nous il a une fin hein, il dit dans laquelle dit le prophète quant aux gens de l'enfer ben ils y mourront pas ils vivront pas c'est-à-dire ils n'auront pas de vie dedans ce sera que le châtiment et donc ils mourront pas pour être reposés d'eux il dit mais il y a des personnes que le feu va prendre pour leur châtiment, pour les péchés qu'ils ont faits. Hein? Et ils vont subir le châtiment du feu jusqu'à mourir et devenir comme un charbon. Hein? Comme un charbon. Et ça, c'est ce qui est réservé au monothéiste quand il sera châtié dans le feu de l'enfer. Il sera châtié jusqu'à ce qu'il meure et devient un charbon. Hein? Ça, c'est le châtiment du monothéisme. Qu'est-ce qu'il en est de l'associateur et du mécréant? C'est l'éternité. Il n'y mourra pas. Il n'y mourra pas. Ce sera l'éternité. Le monothéiste, lui, malgré le temps qui va passer, bah après, il passera dans le fleuve de la vie pour aller rejoindre sa place dans le paradis. ولذلك يقول أهل العلم الموحدين يقولون لمن يدين بدين التوحيد لا تأمن مكر الله ولا تأمن من عذاب الله. لا تستهين بالأمر لا تقل إذا عذبنا فسوف نعذب أياما معدودات فهذه مقولة اليهود والنصارى الذين تمنوا على الله الأماني قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات C'est pour ça que les hommes de science disent aux monothéistes Fais attention N'aie pas la sécurité du châtiment Ne crois pas que tout est gagné Ne néglige pas la situation. Il ne dit pas, si nous sommes châtiés, ben on va être châtiés quelques jours. Qu'est-ce que t'en sais? Et ça, c'est une parole de laquelle il faut faire très attention, parce que c'est la parole des juifs et des chrétiens. Il dit dans le verset, cela ils ont fait. Ils ont immédisé des souhaits devant Allah, subhanahu wa ta'ala. Et ils ont dit, le feu ne va nous toucher, va nous toucher que quelques jours. Hein? Qui vous l'a dit? D'où vous tenez cette certitude? Alors qu'il est dit dans le verset, Allah subhanahu wa ta'ala pardonne tout sauf l'associationnisme. Hein? فَلَا بُدَّ أَنْ نَعْقَلَ هَذَا الْأَمْرِ حَتَّى لَا نُفَرِّطَ فِي أَمْرِنَا لَا نَقَعَ فِي التَّفْرِيطِ إِخْوَةَ الْإِسْلَامِ هَلْ عِنْدَنَا عَهْدٌ مِنَ اللَّهِ بِأَنَّنَا لَنْ نُدْخُلَ النَّارَ إِلَّا أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ وحتى وإن كنا اليوم موحدين ما يدريك أننا سنلقى الله على التوحيد ما يدريك أن الله عز وجل est-ce que nous avons un pacte d'Allah subhanahu wa ta'ala pour dire que si nous sommes châtiés nous allons être châtiés tout simplement quelques jours nous avons une promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala comme ça il y a un pacte avec Allah subhanahu wa ta'ala signé comme ça et même si on est monothéiste aujourd'hui Qu'est-ce qui te donne la garantie qu'on va finir notre vie en étant monothéiste? Hein? Qu'est-ce que tu dis? Allah ta'alam akha l'islam anna l'fitnata inda khuruj al-ruh shadidatun qad yakfuru l'insanu atna al-munaza'a yakulu azza wa jal yuthabbitu allahu alladhina amanu bilqawli thabiti fil hayati d-dunya wa fil akhira Donc, en Allah, je ne sais pas que les perturbations sont énormes. Et la situation est très difficile au moment de l'agonie, au moment de la sortie de l'âme. Peut-être qu'à ce moment-là, la personne va devenir mécréant. Au moment où l'âme va sortir, au moment de l'agonie et de la mort, hein, il va devenir mécréant. Il est dit dans le verset Allah, subhanahu wa ta'ala, raffermi ceux qui ont cru avec... La bonne parole et la parole sûre dans ce bas monde et dans l'au-delà. Hein? On n'a pas à avoir la sécurité. on fait, on ayons espoir de Allah Azza wa Jal, on ayons peur du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala, et on œuvre. Hein? Tu entends certains, qu'est-ce que tu veux? Hein? J'étais au Hajj 7 fois, je donne, je fais. Déjà ça, c'est un énorme problème. Hein? Tu donnes pour qui? Pour que tu. Qu'il soit dit, c'est quoi votre journal de la semaine? Comment il s'appelle? Hein? Hein, à Ouest de France, tu donnes pour qu'il soit déclaré à Ouest de France, quoi. Hein? Tu fais, tu as été au pèlerinage cette fois pour que ce soit transcrit dans le journal officiel. Subhanallah. Nos actes, nous devons les faire pour Allah. Il est préservé. Je dis, mais ben, j'ai fait. Qu'est-ce que tu as fait? Tout ce que l'être humain peut faire, il n'égale pas un bienfait que Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné. L'équivalent d'un bien, tout ce que tu auras fait, malgré la vie que tu auras dans ce monde, il n'égale pas un seul que Allah t'a donné. Hein? Il ne faut pas être un but de soi et un but de ses actes. Il faut avoir les pieds sur terre. Il ne faut pas se laisser gonfler par Shaitan. On ne se sent plus. Il faut savoir se dégonfler des fois. Hein? Se mettre un petit coup de pic pour... Hein? De revenir à soi, et connaître sa place, et que tous les bienfaits, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Même si tu as fait, qui t'a permis de faire? Qui t'a donné les moyens pour faire? Parce que tu dis chaque jour, Iyakan abudu wa Iyakan sta'in. Toi seul, nous adorons, et auprès de toi seul, nous cherchons aide. Ce verset, si tu le comprends, tu ne dois pas être un but de toi. Parce que sans l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu ne l'adorerais pas. Hein? Sans l'aide d'Allah, tu ne l'adorerais pas. On ne veut pas moi. Qui tu es toi? Allah subhanahu wa ta'ala salam al-afi. Qad yakunu l'insanu mouhidan. Wa inda ilika'i illahi ilkahu kafiran. Ma yudrika ya Abdallah. Laysa laka ahdun inda Allah. Man yadmanu dhalik. Walidhalikum kana du'a'u l'anbiya wa hum man hum. Asfiya'u Allah. Ukhtarahum Allah. توفني مسلما والحقني بالصالحين الانبياء منهم من كان يدعو بهذا الدعاء توفني مسلما والحقني بالصالحين لما وهو نبي الله ويسال ذلك ان الله عز وجل بيمثل فيما هي مونوثيست ها peut-être qu'au moment de la rencontre d'Allah au moment de la mort il va devenir un croyant au dernier instant qu'est-ce que t'en sais t'as aucun contrat signé avec Allah que tu vas terminer monothéiste. Quelle est la garantie? C'est pour ça que fait partie des du'a des prophètes, certains disaient, oh Allah, que je meurs soumis à Allah, que je meurs muslim, monothéiste. Hein? Les prophètes font ce du'a. Qu'est-ce qu'il en est de nous? Le prophète disait ce du'a, tawaffani muslimin, walhiqni bis salihin. Hein? Fait que je sois, oh Allah, fait que je meurs musulman, monothéiste, et que je rejoigne les vertueux et les pieux. Ah, là, c'est un prophète. Pourquoi? فلا بد أن نتيقن أن إقرارنا بأن الموحدين لا يخلدون في النار هذا لا يعني أننا نشهد لمعين بأنه لا يخلد في النار فغير المخلد هو الذي مات على التوحيد ولقي الله على التوحيد. Et malgré tout ça, frère, on a l'azo. Que nous ayons la certitude. Le fait que nous confirmons, qu'il est confirmé dans notre aqida, que le monothéiste ne sera pas éternellement au feu de l'enfer, cela ne veut pas dire que nous devons attester à quelqu'un qui ne sera pas éternellement au feu de l'enfer. Dit que le monothéiste ne sera pas éternellement au feu de l'enfer. Mais pour dire de quelqu'un, qu'est-ce que t'en sais? Sur quoi il est mort la personne? Et qu'est-ce qu'il a la personne dans son cœur? Hein? Nous sommes dans cette monde. أن نجزم بأنه مات على التوحيد أبدا لا تستطيع أن تجزم هذا إنما نحكم بالأحكام الظاهرة التي تتعلق بنا، فيجب أن نعلم ذلك ونتيقنه ونحفظه، لأن هذا باب يغلط فيه الكثير، وكثير يخلطون بين الإطلاق والتقييد أو العكس، فيجب أن نفهم هذا جيدا. أن الله عز وجل alors que nous sommes dans ce bas monde, un homme parmi nous meurt, on le lave, on le met dans le linceul, on fait la prière sur lui, on l'enterre. Puisque quelqu'un parmi nous peut avoir la certitude de devenir celui-là, il va être parmi les gens de l'enfer ou là parmi les gens du paradis. Si quelqu'un parmi nous peut nous dire avec certitude que celui-là il est mort sur le monothéisme, personne ne peut le dire. Mais nous, qu'est-ce que nous avons que l'apparence des actes. C'est tout. Nous avons que l'apparence. Hein? Tout ce que nous décrétons, tout ce que nous jugeons et nous disons, ben, il ne concerne que l'apparence. Mais la réalité des choses, ce qui est dans le fond, c'est rien du tout. Hein? Ceci doit être une certitude pour nous. Parce que à ce niveau-là, beaucoup font d'erreurs. Et beaucoup mélangent entre les situations, à prendre en considération les situations dans le sens large du terme, et à conditionner les situations. Il faut. Et le contraire aussi. Ils font l'amalgame aussi dans le sens contraire. إذن فالله عز وجل ضمن الموحد ألا يخلد في جهنم من مات موحدا هذا على الإطلاق ولا تقيده بفلان وفلان دونك الله عز وجل a décrété il a garanti au monothéiste s'il meurt sûr si quand il meurt il ne sera pas s'il est châtié pour ses péchés il ne sera pas éternellement au feu de l'enfer s'il meurt sur le monothéisme ça c'est dans le sens large du terme mais tu ne dois pas dire celui-là conditionner cette situation et le décréter pour tel ou tel. Hein? فَإِنَّ اللَّهَ فَالْمُوَحِّدُ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لَنْ يُخَلِّدَهُ فِي النَّارِ وَلِذَلِكَ فَالْمُؤْمِنُ حَتَّى وَإِنْ عُذِّبَ فِي جَهَنَّمْ فَيَصْدُقُ عَلَيْهِ أَنَّ اللَّهَ أَمَّنَهُ يعني له نصيب من الأمن وإن كان هذا النصيب قليلا. Et donc, le monothéiste, même s'il est châtié, il ne sera pas éternellement. Ça, c'est le sens général. Hein? Mais décréter que celui-là ou celui-là, non, ils ne nous appartiennent pas. Hein? C'est pour ça que le croyant, s'il est châtié, hein, s'il fait un passage au feu de l'enfer, ben, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il est en sécurité, ça le touche. Il a une part de sécurité. Même si cette part, il est minime. Parce qu'il va faire un passage en enfer, donc, là, il lui manque la sécurité. Mais, il a sa part de sécurité, puisque après, le châtiment, il va passer de l'autre côté. S'il meurt sur le monothéisme, s'il était monothéiste, il est mort sur le monothéisme. Mais ça, c'est le jugement général, dans le sens large du terme. Tu ne veux pas le décréter pour tel ou tel le conditionnaire à l'islam. والذي لا أمن له بالمرة هو الكافر وهو المشرك لا أمن له في الدنيا ولا في الآخرة وأما المؤمن الموحد فله نصيب من الأمن في الدنيا وله نصيب من الخير وله نصيب من الأمن في الآخرة وقد يكون له الأمن التام إن قام بما يقتضيه التوحيد قال عز وجل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك لأن الله قال في وصية لقمان لابنه إن الشرك لظلم عظيم فالظلم هنا هو الظلم الأكبر الظلم العظيم الذي هو الشرك donc celui qui n'aura pas la sécurité au sens large du terme c'est qui c'est l'associateur c'est le mécréant lui il n'a pas ni sécurité ici dans ce bas monde ni dans le-delà le croyant au monothéisme lui il a une part de sécurité dans ce bas monde et une part du bien dans le delà et il a sa part de sécurité dans le delà et il a sa part du bien dans ce delà et un tac vient pas avec d'autres ambiguïtés regarde les mécréants qu'est-ce qu'ils font de nous etc pourquoi ils font de nous les mécréants ça parce que justement On n'a pas fait triompher la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala comme l'implique notre monothéisme. Si vous faites triompher la religion d'Allah, Allah, il vous fera triompher. Et aussi, ne viens pas avec l'ambiguïté, regarde combien de pauvreté il y a chez les musulmans, etc. Viens que je te dise quelque chose de l'histoire de ceux qui ont compris la parole du prophète. Ibn Hajar, rahimahullah ta'ala, celui qui a fait l'explication de l'authentique de Bukhari, il était le chef du juge au Caire. Et le matin, quand il part avec un cortège. C'est-à-dire, c'est une calèche avec des chevaux qui l'emmène vers là où il doit émettre les sentences, il doit juger, etc. Et sur son passage, il passe dans la ville du Caire par le marché des huiles et des beurres, et on vend le beurre rance, etc. Et il est évident que les commerçants de l'huile, etc., sont grasseux, leurs vêtements sont tellement durs avec le gras qu'il y a dessus. Tu passes dessus, la mouche passe, il tombe. En général, les mouches ne traînent pas dans les marchés de l'huile et de gras, etc. Et dans ce marché-là où Ibn Hajar passe tout le temps, il y a un juif qui est commerçant, qui est tout grasseux, etc. Et un jour, il arrêta Ibn Hajar et lui dit, votre prophète a dit que ce bas monde est une prison pour le croyant et que c'est le paradis du mécréant. Regarde le mal dans lequel je suis et regarde le bien dans lequel tu es. Et regarde la compréhension du plus élevé. Ibn Hajar lui dit, le mal dans lequel tu es là maintenant, c'est ton paradis par rapport au châtiment qui t'attend là-bas. Et le bien que tu vois dans lequel je baigne ici maintenant dans cette calèche, c'est la prison par rapport au délice qui m'attend, Inch'Allah, dans le paradis. Donc tout est relatif. Essaye d'avoir un peu de... un coup d'essuie-glace de temps quand tu as de la buée sur tes yeux. Tu reviens à la parole d'Allah et à l'authentique de la sunna du prophète alayhi salam et ne te rafale pas. Ne désespère pas. Et reviens et regarde. Est-ce que nous avons donné les conditions que Allah il veut de nous pour avoir les promesses d'Allah? Et chacun de nous doit voir lui-même. Parce que chacun de nous contribue au malheur de la communauté. Avec notre négligence de la religion d'Allah et notre éloignement de la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Chacun contribue à cette bassesse de la communauté. Tout un chacun de nous qui transgresse, et on est tous ces gens-là qui transgressent, donc on contribue à ce malheur dans lequel est la communauté de Mohammed alayhi salatu wassalam. وأهل العلم يقولون للشباب يا معشر الشباب لا تتسرعوا في الحكم على الناس بمجرد أن أحدهم يجد دليلا فيه فلان ظالم فلان كافر يقول خلاص فلان خرج من الملة فأهل العلم يقول اصبروا ولا تتعجلوا فالظلم ظلمان ظلم أكبر مخرج من الملة وظلم أصغر لا يخرج من الملة والكفر كفران كفر أكبر يخرج من الملة وكفر أصغر لا يخرج من الملة والشرك شركان شرك أكبر مخرج من الملة وشرك أصغر لا يخرج من الملة والفسق فسقان فسق أكبر يخرج من الملة فسق أصغر لا يخرج من الملة والمعصية معصيتان معصية كبرى ومعصية صغرى يجب فهم هذا جيدا وضبطه عن أهل العلم المقين في عقيدتهم ومنهجهم حتى يتسنى لك يا عبد الله فهم أدلة الشريعة فهما صحيحا منضبطا لا تعارض فيه واترك الامر لاهله ولاهل الاختصاص. Les hommes de science, frère en Allah, par conseil à la jeunesse musulmane, vous jeunes, ne soyez pas pressés à émettre des sentences sur les gens. Parce que dès qu'un jeune, il lit dans un verset ou là dans un hadith, hein, que tel acte est un acte de mécréance, là, il dit tout de suite, telle personne, il est injuste, telle personne est mécréant, telle personne, khalas, il a entendu, ça y est. Hein? Telle personne est sortie de l'islam, etc. Et elles me disent, patientez. Laissez la situation à ceux qui en sont dignes. Ne soyez pas pressés. Ne mettez pas des sentences comme ça sur les gens. Et sachez que l'injustice est divisée en deux. Une grande injustice qui sort de l'islam. Et une petite injustice qui ne sort pas de l'islam. La mécréance est divisée en deux. Une grande mécréance qui sort de l'islam. Et une petite mécréance qui ne sort pas de l'islam. L'associationnisme est divisé en deux. Un grand associationnisme qui sort de l'islam et une petite associationnisme, et un petit associationnisme qui ne sort pas de l'islam. Il en est de même pour la perversité et la grande perversité et la petite perversité, la grande désobéissance et la petite désobéissance. Et tout ceci, il faut le comprendre comme il se doit. Et le comprendre des hommes de science dignes du nom. Hein? Pour qu'on puisse bien capter. Hein, les preuves de la législation de Allah subhanahu wa ta'ala. Et pour qu'on puisse maîtriser la situation, et qu'il n'y ait pas d'ambiguïté dans notre esprit, ni d'opposition entre les textes. Amma idha qulta, qala Allahu kafir fa huwa kafir, wa yaqul laka lil'ilm nahnu nusaddiqu Allah azza wa jalla fi ma qala. Lakin, ma ma'na kafir? An-Nabi alayhi salatu wa salam, قال في النساء إنهن يكفرن العشير يكفرن فقال الصحابة أيكفرن بالله قال لا يكفرن العشير يكفرن الإحسان إذا أحسنت إلى إحداهن كل الدهر ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط إيه كنت Il est dit que Allah subhanahu wa ta'ala décrète Allah subhanahu wa ta'ala dit ça, tel est kafir. C'est ainsi. Si tu dis que Allah subhanahu wa ta'ala dit celui-là est mécréant, c'est ainsi. Les hommes de science disent, nous prenons comme véridique la parole de Allah subhanahu wa ta'ala et la sentence de Allah subhanahu wa ta'ala. Mais qu'est-ce que ça veut dire kafir? Qu'est-ce que ça veut dire kafir? Tu sais ce que ça veut dire en langue arabe, Kafir? Kafir, c'est quelqu'un qui couvre la vérité. Et on dit du cultivateur qu'il est kafir, pourquoi? Parce qu'il couvre les graines dans la terre. Hada au niveau linguistique. Mais maintenant, écoute le prophète, alayhi sallallahu alayhi sallam, t'expliquer encore plus. Alayhi sallallahu alayhi sallam. Il a dit concernant les femmes, innahunna yakfurna. Hein? Yakfurna. Si tu le prends tel que tu le comprends, ça veut dire qu'ils deviennent mécréantes. La yakhal islam. Et les compagnons lui ont dit, ya Rasulallah, est-ce que Yakfurna Allah, est-ce qu'ils mécroient en Allah? Il leur a dit non. Tout simplement, ils ne reconnaissent pas le bien que leur prodigue quelqu'un. Hein? Même si tu fais le bien pendant plusieurs années à l'une parmi elles, dès qu'il voit un défaut que ça ne va plus, ben c'est comme tu n'as rien fait. Hein? Le kofr aussi vient avec le terme être ingrat, ne pas reconnaître le bien. Comme il est dans ce hadith. وقال عليه الصلاة والسلام تنثاني في أمتهما بهما كفر الطعن في الأنساب والنياحة على الميت فالطعن في الأنساب كفر والنياحة على الميت كفر لكن كفر لا يخرج من ملة الإسلام أخا الإسلام لا يخرج الموحد من ملة الإسلام ما لم يستحل donc il a dit aussi عليه الصلاة والسلام deux choses dans ma communauté. C'est une mécréance. Mais attends, très attention. Le fait de dénigrer l'arbre généalogique de quelqu'un et sa descendance, et le fait de se lamenter sur un mort, le fait de dénigrer l'arbre généalogique de quelqu'un et d'insulter sa descendance, etc., c'est une mécréance. Et le fait de se lamenter, se déchirer ses vêtements, et de s'arracher les cheveux, etc. au moment de la mort de quelqu'un. Mais attention, frère en Allah, ça c'est une mécréance, c'est une petite mécréance qui ne sort pas de l'islam. Hein? Cette mécréance ne sort pas le monothéiste de l'islam. C'est une petite mécréance. ولذلك من قواعد أهل السنة والجماعة أنهم لا يكفرون مسلما بذنب ما لم يستحله وأهل العلم يؤكدون على دراسة العقيدة من مصادرها دراسة صحيحة وعلى الموثوقين من أهل العلم ومسائل التكفير هذه نأخذها عن الراسخين من علم ولا نستهين بالأمر ونأخذها ولا نأخذها من واقع الأنترنت ومن غرف التكفيريين هنا الله عز وجل سيبوغ سا que les règles, c'est les hommes de science et ceux qui suivent la voie de leur puiseur, d'Allah alayhim, n'auront pas un musulman mécréant avec un péché tant qu'il n'a pas félicité ce péché. C'est-à-dire tant qu'il n'y a pas l'acte du cœur aussi, il dit, moi, je crois que ce péché riba, il est halal. Dans ces cas-là, oui. Mais qui va le décréter? C'est pas toi, l'islam, ni moi. C'est un homme de science. Hein? Et les hommes de science appuient et donne ce conseil qu'il faut étudier l'aqida et les croyances de leur origine sûre, qui sont le livre d'Allah, l'authentique de la sunna de Mohammed alayhi sallallahu alayhi wa sallam, et les étudier chez les hommes de science dignes du nom, ni chez l'Asha'ira, ni chez le Maturidiya, ni, etc., chez le Mu'tazila et autres. Et en ce qui concerne Tikfir, tous ces sujets-là qui sont sensibles, qui sont énormes, nous devons les prendre, c'est les hommes de science dignes du nom. Et on n'a pas à négliger cette situation, barakallahu fikum. On n'a pas à les prendre aussi des minus d'internet et de ceux et des takfiri, hein, des rhumes d'internet. Sinon on va s'égarer, on va égarer avec nous. Et on arrête là, inshallah, pour aujourd'hui. Subhanakallahumma wa bihamdika. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلي اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بارك الله فيكم وأحسن الله لكم جزاكم